refinery and chemical weapons. Putain, quel rap, ça va. Oh les gars, faites-moi de bruit, faites-moi de bruit, s'il vous plaît. Oh, je téléphone. Allô. Allô. Allô, gros, je te rappelle pour du boulot, j'ai besoin de fric, yes. D'un pied de biche pour lécher la vitrine. Vite, F, restez pauvre, pourtant je croyais avoir mort la rime riche. À l'ouest, on perd l'or, là je pose sur le méridien de Greenfish. Oui, ma frère, j'étais grave saoulé à jouer les 50 cents. Je voulais pas de fric facile, mais nique sa mère, là c'est 2017. Là où le bonheur d'une personne fait le malheur d'une autre. Fallait remplir l'assiette, quitte à vide et le chargeur du Glock. Dans le rap, ça se pèse, ça se pièce, c'est presque du gratis. J'ai besoin d'un SNES, d'un dièse, un zeste lucratif. J'ai tenté de rester sage, malgré ce que tu m'as dit. J'espère que t'auras le message, j'ai presque plus de batterie. Au bord des nerfs, si loin des îles, du bord de mer. Encore le rêve défile et se balance au bout d'une corde raide. Et pour finir, as-tu toujours de la bonne beurre? J't'avoue que ça manque de mettre des bananes à de grosses deux mères. Message sauvegardé. Je savais que t'allais me rappeler un jour. C'est parfait. Je vais pas te laisser galérer longtemps. Allô? Allô? Putain, t'en as mis du temps, y'a que les cons qui changent pas d'avis. J'en suis content, bien vu quand les combis chantent pas ta vie. J't'avais dit, mais tu jurais voir ton autre sommet. Tu te noies, Jeff, tu seras vêtu noir ton autre sommet. C'est un retour à la casse-bas. Les castapes, les meufs militent, pas de stade, castagne. Rasta fait 9 milis, oui. Si leur rétine, c'est par la racaille, fracasse. Aujourd'hui, j'leur ai dit, c'est par la raca. Y'a pas de lézard, pas de sésame, l'étude c'est fermé. Braque les arbres, braque ses âmes, et tu sais le faire, mec. Jeff, cours, y'a pas de Noël. C'est un signe, pour à l'insigne, pour Adama Traoré. C'est de la peine que je lis dans tes yeux. C'est bon, c'est fat, fonce et fan. Ou viens te défoncer quand c'est fan. Mec, gros comptoir m'appelle la teste. Viens voir le soir, il m'appelle l'enfer. Les gros comme toi m'appellent la teste. J'attendais ça depuis des années. Me manquait le son, le billet sale, le bruit des allées. Le bruit du clic, perd, clic, perd. Pour fumer ça manque. Non, je ne connais pas un smicard qui vit décemment. J'attendais ça depuis des années. Me manquait le son, le billet sale, le bruit des allées. Le bruit du clic, perd. Pour fumer ça manque. Non, je ne connais pas un smicard qui vit décemment. Je dois flinguer la poisse, ce monde de dingue est à moi. Prêt à semer des silhouettes à la craie pour régler l'ardoise. Tu constates qu'aucune larme ne pointe. Chargé, recharge le joint. Tu sais, je n'ai pas besoin de soins, mais d'une arme de poing. Ok, balayette, tu pendras la ville. Coupe, coupe, coude, coude, balayette, tu prendras la vie. Un sas plein, casse, fringue, car ce fringue est à toi. J'ai cool, j'amène que la cagoule, car ce fringue est à toi. Tiens, non, prends-le. T'es sérieux là? Bien sûr qu'il est à toi. Mais non, vas-y, Tom. Ça va. On me le paiera plus tard. Essaie-le. Mais t'as rien contre sûreté là-dessus, frérot, là. J'attendais ça depuis des années. Me manquait le son, le billet sale, le bruit des allées. Le bruit des clics, perd, clic, perd. Pour fumer ça manque. Non, je ne connais pas un smicard qui vit décemment. J'attendais ça depuis des années. Me